il y a une dimension du pouvoir de la conscience supramentale sur la Terre. Et ce pouvoir de la conscience supramentale sur la Terre ne peut plus s'arrêter. Il doit continuer, il doit passer, grandir dans toutes les nations, éventuellement avec les siècles. Alors, la loi est la même. Pour que l'homme crée, il faut qu'il se désengage des mots. Et si on considère le phénomène du passage, de parler des mots à créer des mots, et que si on le considère d'un point de vue mondial, d'un point de vue de culture, d'un point de vue de civilisation, ça va prendre du temps en mots ici avant que ça se fasse. Mais d'ici à ce temps-là, il y aura des écoles, il y aura toute la civilisation va changer, tout va changer. Mais en attendant, pour ceux qui passent d'une race à une autre, d'un cycle à un autre, il est essentiel pour l'homme de pouvoir canaliser l'énergie sans que lui ne soit jamais impliqué dans ce qu'il dit. Parce qu'aussitôt qu'on s'implique dans ce qu'on dit, on donne à ce qu'on dit une intention et automatiquement, on leur enlève le pouvoir créatif qu'ils ont besoin pour diriger la civilisation. Ce sont les forces de la lumière dans l'homme qui dirigent l'évolution. C'est pas l'homme. L'homme est un canal qui travaille avec eux autres. Mais nous autres, on veut être à la fois mécanicien et chauffeur de taxi. Et ça, c'est notre ego. Parler des mots pour eux autres, c'est aller contre la convention de l'esprit. La convention de l'esprit, pour eux autres, c'est une grosse patente parce que la convention de l'esprit, c'est l'entendement universel de l'esprit. Fait qu'aussitôt qu'on va contre la convention de l'esprit, on retarde l'évolution de l'esprit sur une planète et automatiquement, on soumet la planète à des actes d'agression contre l'homme, éventuellement. Et c'est ça qu'on connaît comme les guerres. Alors, le phénomène de parler des mots, il va très loin dans l'évolution, il va très loin dans le phénomène humain, il va très loin dans le phénomène du surhomme, il va très loin dans le phénomène de la science, de l'intelligence. Les gens qui ne peuvent pas parler doivent s'habituer à parler. Il y a bien des raisons pourquoi est-ce que des gens ne peuvent pas parler. Parce qu'ils n'ont jamais eu de feedback. Mais les gens aujourd'hui qui ne peuvent pas parler et qui rencontrent des gens avec lesquels ils peuvent parler peuvent commencer à apprendre à parler des mots. Puis un jour, ils apprendront à créer des mots. Qu'un homme ne puisse pas parler des mots dans une société qui n'est pas sensible à son intuition, à son fond intérieur, ça c'est normal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il en arrive à ne plus parler de mots. Mais un homme qui entre dans une société anonyme, dans une relation humaine avec des hommes de différentes nations, qui entre dans l'intelligence, qui entre dans la compréhension du mécanisme des mots et de l'intelligence, peut facilement commencer à parler des mots avec d'autres personnes qui parlent des mots, sachant que déjà, il va être donné un peu d'oreille à ces mots parlés, mais mal formés au début, parce qu'avant, il n'était pas capable de parler des mots. Parce que le mécanisme de la gêne lié au phénomène de parler des mots, c'est un phénomène qu'on ne peut pas par soi-même contrôler, mais c'est un phénomène qu'on peut, avec le temps, réaliser comme étant une entrave à notre intelligence. Et pour briser cette entrave-là, notre intelligence, c'est à nous autres de rencontrer des gens avec lesquels on peut parler, puis ensuite, à rencontrer des gens qui créent des mots. Dans ce stage-là, on sera plus nous autres, nous-mêmes, plus avancés. Mais il faut qu'on parle. Tu ne peux pas prendre des pilules pour apprendre à parler des mots. Il n'y en a pas de pilules pour ça. Mais il y a des exercices. L'exercice le meilleur, mais c'est de s'habituer à parler avec des gens. Alors, dans une société nouvelle, dans une société où le niveau de conscience est plus haut, plus élevé, où des gens qui peuvent créer des mots, ou des gens qui peuvent parler des mots plus intelligemment, sont prêts à vous tendre l'oreille si vous n'êtes pas capable de parler des mots, à ce moment-là, c'est à vous autres d'en prendre avantage. Mais si vous êtes bloqué dans votre émotivité, ça fait partie de votre expérience, puis c'est avec le temps que vous allez en sortir. Avec le temps. D'ailleurs, l'homme qui s'est écouté peut éventuellement. Bon, OK. Bon, c'est bien subtil, savoir écouter. Il y a deux façons de savoir écouter. Il y a une façon passive de savoir écouter, puis une façon active de savoir écouter. Une façon passive de savoir écouter, c'est écouter sans pouvoir comprendre ce qu'on écoute. façon active de pouvoir écouter, c'est écouter en essayant ou en comprenant ce qu'on écoute. C'est deux niveaux différents. Il y a des gens qui vont écouter passivement, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils écoutent. Puis il y a des gens qui peuvent écouter activement et qui vont comprendre ce qu'ils écoutent. Et dans le cas des gens qui écoutent passivement et qui ne comprennent pas ce qu'ils écoutent, c'est encore à cause du phénomène de l'émotivité. Et le phénomène de l'émotivité chez l'homme crée la même situation chez les gens. Autrement dit, le phénomène de passivité, d'émotivité, crée la même situation chez l'homme qui ne peut pas comprendre ce qu'il écoute que chez l'homme qui ne peut pas parler des mots. C'est le même mécanisme. C'est la même patente. Et je ne peux pas dire universellement, mais je peux dire généralement, un homme qui est capable de parler des mots est capable de comprendre ce qu'il écoute. Parce que le canal est ouvert des deux côtés. C'est ça. C'est l'envers et l'endroit. Qui est l'autre stage après, c'est de créer des mots. Puis quand tu crées des mots, mais là, c'est le contraire qui se produit. Quand tu crées des mots, tu n'es pas capable de comprendre ce que tu écoutes. Tu sais ce que tu écoutes. Subtil. Si tu me parles, toi, moi, je ne comprends pas ce que tu me dis, mais je sais ce que tu me dis. Ah, pour savoir ce que tu écoutes, il faut que tu puisses créer des mots. Pour comprendre ce que tu écoutes, il faut que tu puisses parler des mots. Et pour ne pas comprendre ce que tu écoutes, il faut que tu puisses ne pas parler des mots. Fait que ça se tient. Un est à l'envers de l'autre. Ah. Pardon. C'est pour ça que moi je dis souvent, c'est bien facile ce que je dis, c'est bien simple ce que je dis. C'est vrai, c'est bien simple ce que je dis, puis ça se comprend bien ce que je dis. Mais il faut être capable de savoir ce qu'on écoute. À ce moment-là, si tu ne sais pas ce que tu écoutes, là, tu vas essayer de comprendre ce que tu écoutes. Si tu essaies de comprendre ce que tu écoutes, là, ça peut être tough. C'est parce que là, tu veux dire, je ne comprends pas. Et si je regarde l'expérience des gens, là où les gens sont capables de créer des mots, sont capables de savoir ce qu'ils écoutent, là où les gens parlent des mots, sont capables de comprendre ce qu'ils écoutent, là où les gens ne sont pas capables de parler des mots, ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils écoutent. Ça, c'est une loi universelle, c'est une relation universelle. Une fois que l'homme commence à créer des mots, il y a un autre stage. Quand un homme commence à créer des mots, là, sa fonction, c'est de commencer à diffuser des mots. Mais tu ne peux pas diffuser des mots avant de créer des mots. Parce que pour diffuser des mots, il faut que tu aies le pouvoir d'abord de créer des mots. Fait que tu peux être capable de créer des mots, mais tu n'es pas capable de les diffuser encore. Parce que c'est une autre fonction de diffuser des mots. Pour pouvoir diffuser des mots, il faut que tu sois capable de les créer, les mots, et les comprendre en même temps, et les savoir en même temps. Autrement dit, quand tu diffuses des mots, il faut que tu aies les trois facultés, le pouvoir de parler des mots, créer des mots, et de les diffuser. Ça veut dire qu'il faut que tu aies trois stages d'intelligence. Il faut que tu aies l'intelligence supramentale, l'intelligence mentale, l'intelligence émotive. Tout balancé. Fait que si tu as l'intelligence émotive balancée, tu ne feras pas d'interférence avec l'intelligence mentale inférieure. Si tu as l'intelligence mentale inférieure balancée, tu ne feras pas d'interférence avec l'intelligence supramentale. Et il y a des mécanismes qui font réaliser que tu ne feras pas d'interférence avec l'intelligence supramentale au niveau de l'intelligence mentale. C'est que si tu fais des erreurs, ça ne fait rien. Si tu fais des erreurs, ça ne coupe pas ton fil. Tu continues pareil. Moi, je vais faire des erreurs quand je parle. Je ne blesse pas mon fil. Je continue. Mais pour que tu puisses diffuser des mots comme ça, autrement dit, ne pas faire interférence avec ton mental inférieur sur ton intelligence supérieure, il faut que tu ne sois pas conscient des mots que tu utilises dans la diffusion. Si tu as conscience des mots que tu utilises dans la diffusion, tu vas ralentir ton rythme de parler et automatiquement, tu vas ramener ton parler des mots créativement à un langage mental inférieur. Et automatiquement, tu vas perdre la notion de ce que tu dis. Et aussitôt que tu perds la notion de ce que tu dis, tu perds le temps de ton intelligence. Et si tu perds le temps de ton intelligence, tu sors du temps de l'esprit. Puis si tu sors du temps de l'esprit, ce que tu dis ne sera pas dans le temps de ceux à qui tu vas parler. De sorte que quand tu diffuses de l'information, quand tu diffuses à partir de ce stage supérieur et que tu parles dans un temps, ça convient toujours au temps des autres hommes. Parce que diffuser, c'est mettre en action les lois de l'esprit. Ce n'est pas mettre en action les lois de la connaissance. Et quand tu mets en action les lois de l'esprit, automatiquement, l'esprit étant universel, l'esprit étant enregistré vibratoirement dans l'esprit universel, les esprits reçoivent. On est comme des systèmes de vases communicants. Et c'est à ce moment-là que le processus de diffusion devient extrêmement important et peut prendre une certaine valeur dans la vie de l'homme, une valeur qui est présente dans l'instant même de son évolution. Ça sert. Mais avant de pouvoir diffuser des mots, il faut pouvoir les créer. Parce que la diffusion des mots veut dire l'expression instantanée de ce que l'intelligence veut dire à l'esprit de celui qui reçoit les mots. De sorte que quand tu diffuses les mots, tu ne diffuses pas les mots pour l'humanité, tu diffuses les mots pour des individus. Et quand tu diffuses des mots pour des individus, tu parles à des individus, tu ne parles pas à une masse. C'est pour ça que quand tu parles, quand tu es conscient, quand tu diffuses des mots, tu es obligé de regarder une personne. Tu peux changer. Mais tu ne peux pas regarder au plafond de main. Tu es obligé de regarder une personne. Parce que tu parles à un esprit. Si vous remarquez, quand je parle, il faut toujours que je regarde quelqu'un. Tout le temps. Je ne peux pas regarder là. Parce que si je regarde là, je perds la nature de mon esprit et je rentre dans la nature de la matière. Pour rentrer dans la nature de l'esprit, il faut que je communique avec l'homme, c'est par les yeux qu'on le fait. Fait quand je vous regarde, ce n'est pas nécessairement pour vous dire, bon, mais c'est ce que je te dis, c'est ça. Ça s'applique à toi. Ça peut. Mais quand je le fais, je le sais. Mais quand je le fais, c'est pas nécessairement ça. Mais d'un autre côté, ça peut servir à te faire penser que c'est ça pour que toi-même, tu sais, ça n'arrête pas. Mais si on revient, chaque mot a une vibration. Là, j'ai dit, mais si on revient, je ralentis mon rythme. Parce que je conditionne la nature de mon esprit au temps de la valeur du mot que je me sers pour exprimer dans le temps la diffusion de ce qui va être dit. Je conditionne. Mais c'est pour ça qu'il faut être bien dans l'intelligence de l'esprit puis la vibration du temps pour pouvoir employer des mots qui caractérisent l'instantanéité de la formation de la forme pour instruire et élever la vibration. Mais je peux pas le faire tout le temps. Sans ça, vous sauteriez. Fait que je diffuse. Parce que ça crée trop d'énergie. Fait qu'il y a une science quand tu diffuses des mots. Et faisant partie de la science de diffuser des mots, tu dois savoir comment les diffuser, les mots. Alors, tu dois instantanément connaître la psychologie de ce que tu fais quand tu parles. De sorte que quand tu parles, tu dois savoir exactement ce que tu fais dans le temps où tu le fais. Mais ça fait partie déjà du phénomène de diffusion du mot. Donc, tu n'as pas besoin d'y penser à ça, c'est instantané. Mais les hommes qui passent du stage de parler des mots au stage de créer des mots doivent savoir que c'est bon qu'ils sachent que quand on en arrive à pouvoir créer des mots, on en arrive à se concentrer dans notre tête. Et se concentrer dans notre tête, ça veut dire se concentrer sur la bille du mot. Et la bille du mot, c'est l'instant du mot. Et l'instant du mot, c'est le point où ton esprit vit. Et le point où ton esprit vit, c'est pas la fille qui est là ou le gars qui est là, c'est le point où ton esprit vit, c'est le point dans ta tête où tu manifestes l'énergie. Mais ça demande un haut niveau de concentration. De sorte que plus tu t'habitues à créer des mots, moins tu es capable de parler des mots parce que plus tu n'es plus impliqué dans ce que tu dis. Et aussitôt que tu perds de l'implication dans ce que tu dis, tu t'impliques dans ce que tu sais. Puis quand tu t'impliques dans ce que tu sais, tu commences à réaliser que ce que tu sais, ça a du bon sens. Puis quand tu commences à bien réaliser que ce que tu sais, ça a du bon sens, tu commences à bien aimer ce que tu sais. Puis quand tu commences à bien aimer ce que tu sais, tu dis bien ce que tu sais. Puis quand tu dis bien ce que tu sais, tu l'aimes encore plus ce que tu sais. Fait que tu retournes en arrière, puis tu retournes en arrière, puis éventuellement, tu dis tellement bien ce que tu sais que les gens ne peuvent pas ne pas écouter parce que il y a une vibration tellement haute dans ce que tu sais, puis dans ce que tu dis, que tout ce que tu sais, puis tout ce que tu dis, regarde mon visage, plus ça parle. Plus je parle, moins je fais d'erreur, moins je fais d'erreur, moins je fais d'erreur, moins je fais d'erreur, moins je fais d'erreur, moins je fais d'erreur, moins je fais d'erreur. Alors, plus la vibration monte, plus tu te détaches de ce que tu dis, plus tu vas aller chercher loin dans le temps de l'esprit ce que tu peux dire. Pas ce que tu veux dire, mais ce que tu peux dire. Alors, à ce moment-là, tu es rendu à un point où il n'y a plus de limite au savoir. Il n'y a plus de limite à ce que tu peux dire. Il n'y a plus de limite à ce que tu peux dire. Et quand il n'y a plus de limite à ce que tu peux dire, tu ne travailles plus avec des mots. Tu engendres sur la terre le Verbe. Quand tu engendres sur la terre le Verbe, tu es dans le Verbe, tu es Verbe, et ta vie, et ta mort, et ta connaissance, et ton savoir, et ta manifestation matérielle, spirituelle ou éthérique est totalement parfaite. Et c'est ça l'évolution de l'homme. C'est là que doit aller l'homme. Mais pour que l'homme entre dans ce corridor de temps, qui est la façon à son esprit d'exprimer parfaitement l'énergie de l'intelligence, l'homme doit se détacher égoïquement du mot. Et ce n'est pas facile pour l'homme de se détacher égoïquement du mot parce que l'homme est impliqué dans le mot. Il y a une valeur pour lui dans le mot et la valeur est dans l'émotion du mot. Et l'homme doit être capable de voir et de sentir l'émotion dans le mot pour réaliser la science de l'intelligence dans la forme du mot. Et à ce moment-là, mais là, il peut créer des mots, puis ensuite les diffuser, des mots. Puis il n'y a plus de limite à ça. Fait qu'à ce moment-là, quand tu parles aux gens, c'est intéressant. Pour lui et pour les gens. Non, il y a rien, ça. Une grande erreur de l'homme, c'est d'avoir peur de faire des erreurs quand tu parles des mots. Et comme l'homme a peur de faire des erreurs, quand tu parles des mots, il va engendrer la vérité. Parce qu'aussitôt que tu as peur de faire des erreurs, tu engendres la vérité, puis aussitôt que tu engendres la vérité, tu es prisonnier de la loi cosmique. Ça veut dire que tu es incapable de savoir rien. Mais aussitôt que tu perds la crainte de faire une erreur en créant un mot, automatiquement, tu t'élèves au-dessus de la loi du mensonge cosmique et tu n'es plus impliqué dans la vérité ou le mensonge. Et automatiquement, tu as accès à l'intelligence pure, c'est-à-dire que tu as accès à ce que doit connaître l'humanité dans le temps présent. Pas demain, dans 100 ans, mais présentement. Mais tu n'en supportes pas. Mais les gens ont peur de faire des erreurs. Ça, c'est la plus grande erreur de l'homme. La peur, la crainte de faire des erreurs. Puis il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils ont tellement peur de faire des erreurs qu'ils engendrent en eux de l'émotivité qui coupe le mental et qui, effectivement, éteint le supramental. Si tu as peur de faire une erreur, tu mets en doute ton intelligence. Automatiquement. Si tu as peur de faire une erreur, tu m'en doutes ton intelligence. Si tu m'en doutes ton intelligence, tu perds le pouvoir de connaître des mots. Tu vas garder le pouvoir de parler des mots. Ou tu n'auras simplement pas de pouvoir de parler des mots. Et on est testé. Imaginez-vous pas qu'on en arrive à créer des mots comme ça, puis à diffuser des mots de même. On est testé dans notre évolution, dans notre transformation, dans la transmutation de nos corps, pour voir si on a peur de faire des erreurs. On est testé. Parce que là où il y a d'intelligence, il n'y a pas de doute. Là où il y a d'intelligence, il n'y a pas de doute. S'il y a moindrement de doute, quand vous parlez des mots, c'est normal. Mais si le doute vous afflige, vous soulevez d'émotion, vous ne pouvez pas en arriver à créer des mots. Fait que c'est mieux pour l'homme de faire des erreurs en parlant des mots pour en arriver un jour à ne plus faire d'erreurs. Que de ne pas faire d'erreur et en faire toute sa vie. D'ailleurs, il y a une chose dans le phénomène de créer des mots, c'est que plus tu crées des mots, plus tu apprends. Ça, c'est définitif, ça. Tu ne peux pas créer des mots et ne pas apprendre. Fait que de temps en temps, tu crées des mots, puis tu apprends, puis tu trouves ça intéressant, puis c'est le fun. Puis c'est ça le plaisir de créer, c'est ça le plaisir de créer des mots. Parce que quand tu crées des mots, dans le fond, tu parles pour toi-même, tu peux parler bien du monde, mais tu parles pour toi-même d'abord, puis tu parles avec du monde. T'apprends. Et si vous parlez des mots, si vous parlez et vous n'apprenez pas, c'est parce que vous ne créez pas des mots. Fait que ce qui arrive, vous parlez, puis des fois vous créez un petit peu des mots, puis là vous avez la chienne, vous doutez de ce que vous avez parlé, vous retombez dans le parlage des mots au lieu d'avancer dans la création des mots. Ça maladie tout le monde. Pourquoi t'apprends quand tu crées des mots, plus que les mots qui disent de t'apprends parce qu'ils sont canalisés. Sont imprimés dans des corps. D'après. T'entends? Dans ta tête? Tu prends conscience? L'initiation de celui qui parle coïncide avec l'initiation de celui qui parle. L'initiation de celui qui passe. C'est intéressant, ça. Ah, oui. Tu vois, j'apprends quelque chose. Là. Tu vois, là, tu me demandes une question, là, j'apprends quelque chose. Je ne l'ai pas appris encore, mais je l'apprends. L'énergie, elle descend, je l'apprends. Mais je ne l'ai pas appris encore parce qu'elle n'est pas imprimée, mais elle est là. Alors, il y a deux niveaux il y a deux niveaux où tu apprends quand tu crées des mots. Il y a un niveau vibratoire où tu apprends, parce que là, je viens d'apprendre quelque chose qui est bien intéressant. La preuve, c'est que j'ai dit c'est bien intéressant, je ne l'ai pas appris encore. Faut que je le parle pour l'apprendre. As-tu? Mais j'ai appris que c'est là. Fait qu'il y a deux, il y a deux niveaux d'apprendre quand tu crées des mots. Il y a le niveau vibratoire d'apprendre, puis il y a le niveau de canaliser le mot pour l'apprendre. Une fois pour toutes. C'est quand tu parles d'apprendre, tu parles du moment où ton ego prend conscience. L'apprendre veut dire le prendre. Ah, apprendre quand tu crées des mots veut dire le prendre. Fait que tu le prends. À cet instant. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? L'initiation de celui qui parle coïncide avec l'initiation de celui qui parle. Bon, l'initiation de celui qui parle, c'est la pénétration dans l'esprit. Celui qui parle pénètre dans l'esprit. C'est ça, l'initiation, le mouvement vers l'infini. Coïncide avec quoi? L'initiation de celui qui écoute. Avec l'initiation de celui qui écoute. L'initiation de celui qui écoute, c'est l'initiation, c'est le mouvement de celui qui écoute vers son propre esprit. Fait que moi, j'avance dans mon esprit, puis toi, tu avances dans ton esprit. Fait que c'est ça que ça fait. Même s'il n'est pas là. Même si quoi? Même s'il n'est pas là. Quoi? Pas là. C'est que même si tu parles que quelqu'un n'est pas aux conférences, l'initiation, c'est global. Oui. Ça coïncide vibratoirement. Oui, mais ça, c'est ses autres plans. Tu sais, on est tous télépathiques, ces autres plans. Mais ces autres plans, vous n'avez pas conscience des autres plans. Oh. Vous commencez à avoir conscience, tu sais, que les autres ne pensent pas tout de suite. C'est-à-dire que ça se fait, même si on en a pas. Ouais, ouais, ouais. Il y a un grand secret dans le langage des mots. Le langage des mots, il est personnalisé. Et il est personnalisé par des intelligences dans l'astral. Et il est pré-personnalisé par l'intelligence pure. Puis il est dépersonnalisé par l'âme. Autrement dit, il y a trois processus dans le langage des mots. La pré-personnalisation, la personnalisation, puis la dépersonnalisation. De sorte que l'énergie part, elle est pré-personnelle. Elle passe par les couches astrales, elle est rendue personnalisée, et elle est parlée, elle devient dépersonnalisée. De sorte que l'homme qui entend l'homme parler des mots ne peut jamais découvrir sa vraie personnalité, parce que lui-même est dépersonnalisé. Et où l'homme redécouvre sa vraie personnalité quand il meurt? Quand il meurt, là, il redécouvre sa vraie personnalité, pas la personnalité parfaite, mais la personnalité qui lui avait été envoyée par les intelligences dans l'astral, alors que lui était dans la matière. De sorte que quand les gens meurent, là, ils s'aperçoivent comment est-ce qu'il est à compte, comment est-ce qu'il est assis, comment est-ce qu'il est à ça. Quand ils sont sur la terre, ils ne le réalisent pas. Puis quand ils se conscientisent, mais là, ils tuent ça, puis ils ne sont plus jamais à compte. C'est pour ça qu'une des grandes souffrances dans la mort, une des grandes souffrances de la mort, c'est de réaliser comment, les erreurs qu'on a faites. Puis quand tu meurs, ça se voit vite parce que tout est imprimé. Puis aussitôt que tu sors au moins de tes corps, whoop, tu vois, il dit ça dans l'église catholique quand tu es jeune. Hein? Quand tu meurs, tu vois tout ton passé tout d'un coup. Puis c'est ça qui arrive. Fait que ça me crée un mot de choc. Pourquoi? Parce que tu as vécu une vie dépersonnalisée, tu retournes à ta personnalité, donc automatiquement, tu t'aperçois jusqu'à quel point tu as manqué de vivre ta vie comme tu avais déjà vécu. De la maximaliser. Oui. Oui. Oui. Mais tu changes quand tu reviens. Les gens qui sortent et qui rentrent ce jeu, quand ils rentrent, ils sont plus comme avant. Alors, le fait que l'évolution ou l'involution ou la descente des mots dans la matière ou sur le plan matériel coïncide avec trois états d'esprit. Un état d'esprit qui est pur, qui est la prépersonnalisation. L'autre qui est astral, qui est personnel. Et l'autre qui est matériel, physique, qui est dépersonnalisé, fait que l'énergie cosmique, elle ne peut jamais revenir à la source. C'est comme si elle descend ici, ça arrête. Elle ne revient pas. Et un jour, cette énergie-là doit revenir à la source. Et quand est-ce qu'elle revient à la source? Mais elle revient à la source quand l'homme devient créateur, quand tu peux créer des mots. À ce moment-là, l'énergie descend, Elle est prépersonnalisée. Elle descend dans l'homme sans passer par la strate. Elle descend dans l'homme, elle est personnalisée. Et elle retourne à la source. Parce que pour que l'énergie retourne à la source, il faut qu'elle soit repersonnalisée. Pour qu'elle soit repersonnalisée, il faut que la personnalité soit parfaite. À ce moment-là, elle retourne à la source. Sans ça, elle sert l'astral au lieu de servir l'homme. Si elle descend directement dans l'homme sans être affectée par l'astral, elle sert l'homme et va directement à la source. Ça, c'est une loi cassée. Tout doit revenir à ça. C'est pour ça que quand un homme commence à créer des mots, l'énergie elle passe, elle descend dans le mental, corps émotionnel, corps vital, corps physique. De sorte que c'est cette énergie-là qui te soutient dans la matière. C'est cette énergie-là, puis un jour, elle devient très, très forte, cette énergie-là, qui change de temps. Cette énergie-là, qui est une énergie de vie, qui est une force de vie, qui te permet de dépasser les limites de la matière. Mais si elle est captée par l'astral, c'est final. Faut que tu meurs. C'est pour ça que c'est très important d'en arriver à parler des mots, puis d'en arriver à ne pas parler des mots, puis d'en arriver à créer des mots. Pour en arriver éventuellement, probablement, à diffuser des mots. Parce que c'est vivre d'une énergie vitale qui soutient, qui transmute les corps, les principes inférieurs. Là. Les gens se cassent la tête avec le phénomène de l'immortalité, puis comment ça se fait, puis le codage, puis le décodage. C'est short and sweet, puis c'est bien simple, puis c'est pas dans nos mains. C'est dans nos têtes. Le fait que les mots sont prépersonnalisés à leur origine instruisent l'homme de l'infinité de l'univers. Si les mots étaient personnalisés à l'origine, l'homme ne pourrait jamais avoir une idée, une conception de l'infinité de l'univers. C'est pour ça que quand l'homme est inconscient et qu'il ne fait que parler des mots, il se sert de mots personnalisés dans l'astral, de sorte qu'il n'y a jamais de conscience de l'infinité de l'intelligence, de sorte qu'il n'y a jamais de conscience de l'infinité de la conscience, de sorte qu'il n'y a jamais de conscience de l'infinité de l'esprit, de sorte qu'il n'y a jamais de conscience de l'infinité. Et si l'homme n'a pas conscience de l'infinité, qu'est-ce qui reste quand il est dans la matière? Il reste absolument rien. La matière est passée. Les plaisirs de la matière est passée. Il faut que l'homme ait d'autres choses pour contrebalancer à la finitude de la matière, à la densité de la matière, à la limite spatiale de la matière. Puis ça, c'est son esprit. Puis quand il vient bien fort, cet esprit-là, bien, il fait sauter la matière. Puis l'homme rentre avec la matière dans l'infinité de l'éther. Puis à ce moment-là, l'homme est un surhomme. Alors, les mots ont une fonction précise dans l'homme, une fonction qui est générative et non dégénérative. Elle est générative quand l'homme crée des mots. Seulement, l'homme ne peut pas vivre de mots tant qu'il ne les crée pas. Si l'homme ne crée pas des mots, il meurt de la parole, parce que la parole éventuellement soulève en lui tellement de sentiments et d'émotivité qu'elle ralentit son plan de vie, qu'elle l'écoute, son plan de vie. Fait que ça va loin, les mots. Les mots ont une importance capitale dans l'évolution d'une civilisation. Capitale. Les anciens disaient, la parole est d'argent, puis le silence est d'or. C'est ça qu'ils disaient? Le silence est d'or, puis la parole est d'argent? Non, je comprends. La parole est d'argent. La parole est d'or. Non. Ils disaient, la parole est d'argent, puis le silence est d'or. Quoi, le silence est d'or? Le silence est d'or, parce que dans l'ancienneté, quand tu fermais ta gueule, tu faisais pas de gaffe. Aussitôt que tu parlais, tu faisais des gaffes, fait qu'il avait raison. Mais dans la nouveauté, dans le nouveau cycle, la parole est d'or et le silence te repose. Mais la parole est d'or. Puis, bien plus d'or que vous pouvez vous imaginer. C'est extraordinaire, la parole. Moi, je vis de la parole. Je me nourris de ça. C'est extraordinaire, la parole. Quand tu crées des mots, tu ne peux jamais t'ennuyer. Quand tu crées des mots, tu peux toujours savoir ce que tu as à savoir. Quand tu crées des mots, tu n'es jamais intéressé à rien savoir. Quand tu crées des mots, tu es toujours à savoir. Quand tu crées des mots, tu es toujours informé de ce que tu dois savoir. Quand tu crées des mots, tu ne peux jamais t'inquiéter de ton avenir parce que quand tu crées des mots, tu peux tout savoir. Aussitôt que tu ne peux plus t'inquiéter de ton avenir, mais là, tu commences à relaxer sur le plan émotionnel. Fait qu'automatiquement, tu commences à te rajeunir. C'est important à l'homme de connaître son avenir. Mais pour qu'il le connaisse, il faut qu'il puisse créer des mots. Parce que le savoir, c'est pas de la connaissance. Puis ça fonctionne pas comme la connaissance. La connaissance, c'est de la mémoire. Le savoir, c'est pas de la mémoire. Le savoir, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que quand l'homme comprendra qu'est-ce que c'est de l'intelligence, il saura qu'est-ce que c'est Dieu. Parce que pour comprendre qu'est-ce que c'est Dieu, il faut savoir qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Parce que c'est par l'intelligence, le mouvement d'intelligence, la créativité d'intelligence, qu'on connaît les lois de Dieu. Parce que pour connaître les lois de Dieu, il faut pouvoir s'approcher en esprit de l'infinité de l'intelligence. C'est qu'en esprit qu'on peut s'approcher de l'infinité de l'intelligence. Mais comment est-ce qu'on s'approche de l'infinité de l'intelligence? En créant des mots sur le plan matériel. Sur d'autres temps, sur le plan. Quand t'as pas d'interlocuteur, tu crées des pensées, tu passes ça. Quand t'as pas de quoi? Quand t'as pas d'interlocuteur, tu passes ça. Non, tu sors pas où? Tu sors pas où? Ou tu parles avec eux autres en haut? Ou tu sors pas où? Ça dépend. Si tu peux parler avec eux autres, tu parles avec eux autres. Sinon, tu sors pas où? Mais quand t'en as, il faut que tu t'en serves de ton interlocuteur. Faut que tu t'en serves bien, et pour que tu t'en serves bien, mais il faut que tu crées des mots. Sans ça, tu t'en sers pas bien. Tu perds de l'énergie. Aussitôt que tu parles à un homme, tu dois apprendre quelque chose dans la vie. Si tu n'apprends pas quelque chose quand tu parles à un homme, tu parles des mots. Donc, tu restes le même. Tu restes à la même place. Il y en a qui me disaient à soi, il y a un monsieur, un certain âge, qui me disait, bon, mais avant, j'avais des amis, puis on avait des relations, bonjour, c'était le fun. Puis à cette heure, il est pas intéressé. Pourquoi? Parce que là, il commence à se sensibiliser au phénomène de parler des mots. Il commence à réaliser qu'est-ce que c'est parler des mots. Puis il commence à réaliser qu'est-ce que c'est que ça fait mentalement, émotivement, parler des mots. Ça vide. Quand tu es inconscient, tu ne réalises pas que ça vide, c'est le fun. Mais quand tu commences à te conscientiser, tu t'aperçois que c'est plus le fun de parler des mots. Puis c'est plus le fun de t'en faire parler non plus. Fait que t'as pas le choix, t'es obligé de couper avec le monde. Puis là, chercher des gens avec qui tu peux créer des mots. Puis tu commences lentement à créer des mots, lentement à créer des mots. Puis éventuellement, t'es pas mal bon à créer des mots. Puis éventuellement, t'es très bon à créer des mots. Mais à ce moment-là, tu n'as plus besoin des hommes. Mais tu as besoin de relations humaines conscientes. Grosse différence. Avoir besoin d'une relation humaine consciente et avoir besoin des gens. C'est plus d'amitié, ça. Moi, j'ai besoin dans ma vie de relations humaines conscientes. J'ai besoin de voir la binette de temps en temps. J'ai besoin d'avoir des gens avec qui je peux créer des mots. Parce que c'est ça qui me donne le plaisir de vie. Sans ça, j'aurais pas de plaisir de vie. Parce que quand tu commences à créer des mots, puis tu vis dans ton esprit, tu peux pas vivre du plaisir astral, des choses de tes sens passés. Parce que ça, c'est trop fort, cette affaire-là. Ça veut toujours plus loin. Fait que t'as besoin d'avoir des relations humaines. Fait que t'es cherches, puis t'en trouves. Puis c'est avec ces gens-là que t'as du plaisir. J'ai invité des gens chez nous, là, de parmi les autres, dernièrement, hier. J'ai joué aux cartes, jusqu'à 3h matin. On a joué aux cartes. Ma femme a sauté dedans, elle était contente. Nous autres, c'est nouveau de jouer aux cartes. Avec du monde. Mais avant, on était seuls. Là, il commence à avoir du monde qui sont du monde. Fait que là, c'est le fun comme ça de jouer aux cartes. On n'a pas parlé des patates. Je vois quand. On a pris un petit drink. Ça partait plus. Tu peux les mettre à part. C'est le fun. Parce que l'affaire de créer des mots, j'en parle parce que c'est important d'en comprendre la mécanique, mais tu y pognes de ça. Il suffit de jouer aux cartes et prendre une petite date. C'est quand tu crées des mots, tu dis quand c'est. T'écris quand c'est le temps. Mais quand t'es pas habitué à créer des mots et t'as pas compris l'importance de te relaxer aussi, bon, mais là, tu viens de créer des mots. Fait que là, t'en manques, t'en fais des ingestions. Fait que s'il faut balancer. J'ai joué au 4 théâtre 4-3 heures, j'ai eu du fun, je pense que je ne m'ai jamais amusé de même. C'était un début pour moi. Là, on m'a rentré une table de poule. C'est fantastique. Hein? Ma femme a trouvé ça super. Ma femme est sauvage, net. Ma femme, des amitiés, n'est pas intéressée à ça. Fait qu'il a fallu que je tente bien le terrain avant, que je sois bien sûr de mon coup. Pas que ça flotte. Parce que tu sens ça, des vibrations. C'est un rare radar, c'est pas du monde. On a eu du fun toute la soirée. On a même joué au backgammon. Parce que éventuellement, ben beau, créer des mots, puis parler, mais éventuellement, faut qu'on s'amuse. Plutôt créer des mots, faut qu'on s'amuse. Moi, j'ai oui, plus tard, comment les gens pourront s'amuser. Mais les gens ne sont pas prêts dans quoi s'amuser. Parce que les gens encore parlent trop des mots. Fait que là, ça te vide. Tu peux pas vivre avec des gens ou t'amuser avec des gens qui parlent des mots. Tu peux vivre et t'amuser avec des gens qui créent des mots. Tu peux vivre des grandes périodes de temps, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est quand jamais, parce que tu crées toujours des mots. Si tu ne crées pas des mots, tu crées des actions. Tu joues au 4. C'est le même processus. Même chose. Créer des mots, créer des actions, c'est la même chose quand tu es conscient. Pas de différence. Même chose, même chose, même chose, même chose, même chose. Quand tu canalises par la parole ou par l'action, c'est la même chose. Mais si t'es pas capable de. Si tu parles des mots, tu pourras pas créer des actions. Fait que là, ça devient. On le sent qu'on est mal à l'aise. L'énergie tombe. Tu dis quelque chose de plus. Ce qui est le même processus, selon moi. Ce qui quoi? Ce qui est le même fait de créer dans le fait de créer des mots, que dans le fait de jouer, c'est le fait. Oui. C'est la facilité. La quoi? La facilité, l'absence d'effort. Ouais. Parce que quand, mettons que je parle, si je veux dire une théorie ou je veux dire quelque chose comme parler des mots, faire une conférence, je sais pas, une œuvre quoi, là, mais à la manière d'avant, de parler des mots, c'est qu'il faut que mon esprit reste toujours en tension avec le schéma de référence préétabli. Pour être capable d'avoir une commune mesure avec ce que je dis puis ce qui est su. Ça, c'est le tapis de l'astral que j'avais dit. Toujours que tu as le schéma de référence de l'astral, puis les mots, il faut expliquer les mots, puis donner le sens des mots avant, puis définir les mots, puis après ça, l'on parle. Ouais. Okay? Ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts, cette tension-là, de rester collé, que ton esprit reste collé à ce qui est déjà structuré. Tandis que parler des mots, tu n'as pas ça. Créer des mots, tu n'as pas ça, parce que ça vient de ce. Fait que c'est le fun. Mais c'est peut-être débalançant parce que tu te dis, ça ne doit pas être bien intéressant ce que je dis, ou tout le monde veut le savoir, ou bien non, parce qu'il n'y a pas d'effort. Tu le crées à mesure. C'est dans ça que c'est amusant de créer des mots, dans le sens qu'il n'y a pas d'effort. Et si tu es capable de créer des mots sans effort et trouver ça le fun, tu es capable aussi de trouver ça le fun et t'amuser. Ouais. C'est dans ça qu'on se retrouve. C'est la même vibration. S'amuser à créer des mots, c'est s'amuser aussi à jouer au backgammon ou au cœur. Mais c'est difficile pour nous autres de penser qu'il y a quelque chose de valeur quand ça n'a pas d'effort, parce que l'effort a été tellement gratifié dans l'astral parce qu'on est des êtres de service. Ouais. Puis on peut t'imaginer. Avec des aides de service. OK, laisse-moi parler avec ce point-là. Tu vas prendre des gens riches, des gens qui ont de l'argent, puis ils prennent de l'alphion, puis ils s'en vont à l'union. Tu sais, des gens qui. Eux autres, ils ne créent pas des actions. Ils en inventent. Fait que tant qu'ils ont de l'argent, ça marche. Mais ils ont leur dip aussi. Mais aussitôt qu'ils arrivent dans le dip, là, ils inventent une autre action. Fait qu'ils sont toujours en party. Fait que qu'est-ce qui arrive quand tu vis tout le temps en party? T'as le cancer à 50 ans. Les acteurs d'Hollywood, les millionnaires, les gens, le jet set, là, ça meurt du cancer, du cancer, du cancer. Pourquoi? Parce que tu peux pas toujours être emporté. Tu peux pas toujours créer des mots. Tu peux pas toujours créer des actions. faut que tu te reposes. Alors, eux autres, comme ils parlent des mots ou comme ils inventent des actions, ils ne se reposent pas. Alors, ils enlèvent trop d'énergie à leur corps physique et à leur corps vital. En exploitant trop leur corps émotionnel. Fait que la première chose que tu sais, c'est pour ça que le cancer, il vient de l'émotion. C'est une surstimulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a beaucoup de cancers, parce que les gens sont surstimulés. Mais quand tu crées des mots, tu crées des actions, tu ne peux pas les créer, ces mots et ces actions-là, quand tu veux. Tu le crées quand tu dois. Puis tu vas voir, des fois, là, tu vas créer des mots, là, ça arrête, tu n'es plus capable. Ou tu vas créer une action, là, il y a un petit lol, là. Puis là, c'est pour elle. Ça, là, c'est comme s'il check ton ego. Là. Il check ton ego si ton ego ne va pas forcer la note pour essayer d'inventer des mots, inventer des actions ou de parler des mots. Ça, c'est du tuning. Ça crée une sorte de tension minime. Là. C'est une souffrance. Parce que l'idéal chez l'homme, c'est de pouvoir créer des mots ou créer des actions tout le temps. Mais quand tu vis de même, tu vis 24 heures par jour. T'es toujours de même. Tu peux. Bon, mais c'est ça qui te permet de dire que tu es heureux tout le temps. Pour qu'un homme puisse dire, là, je suis tout le temps heureux, moi, tout le temps heureux, il faut qu'il puisse créer des mots tout le temps ou créer des actions tout le temps. Et s'il ne crée pas des mots et des actions tout le temps, qu'il puisse subir la tension entre les deux sans qu'il essaie de parler des mots ou d'inventer des actions pour balancer le vide. Là, à ce moment-là, tu peux être heureux tout le temps. Parce que ce qui arrive, c'est que supposons que tu peux être après jouer, créer une action. Puis d'un coup, là, c'est coupé, là. Puis tu le sens quand c'est coupé. Tu le sens. Puis là, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être parce qu'ils veulent te faire mettre dans l'idée de changer de ce jeu-là pour un autre jeu. Puis moi, je l'ai fait hier. On jouait au backgammon, je pense. Puis après ça, j'ai coupé sonnette. Là, on a joué au domino. Non, on jouait au domino au début. On jouait au domino. Puis regarde bien, c'est comme... On a commencé au domino. On est à 4. Là, ils ont coupé la vibration. Au début, c'était le fun, là, tu créais. Ensuite, ça a coupé la vibration. Là, c'était... Oups, il y avait une tension. Là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à faire. C'est à toi de le savoir. Fait que là, on a sorti le backgammon. Puis on a sorti les 4. Fait qu'il y en a 4 qui ont joué aux cartes. Puis il y en a 2 qui ont joué au backgammon. Comme ça, tout le monde jouait. Sans ça, s'il y avait eu un que le domino, il y en aurait eu 4 qui jouaient, il y en aurait eu 2 qui étaient observateurs, fait qu'il n'y aurait pas joué. Fait que pour que tout le monde joue, ils ont créé deux autres jeux. Fait qu'il y a eu un break là, dans la vibration, dans la tension. Puis c'était ça. Fait que quand t'es capable de créer des mots, créer des actions, tu crées, ça marche, t'es tout le temps heureux. D'un coup, hop, ça arrête, ça. Là, tu deviens malheureux. Malheureux, c'est vibratoire. Je parle malheureux. Dans le sens que tu n'es pas heureux. OK. Puis là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Puis si tu es suffisamment déastralisé, si t'es suffisamment sans émotion, là, ils vont t'amener à d'autres choses là, pour recommencer, mais la vibration va être encore plus haute. Mais si tu n'es pas encore suffisamment dans le mental, mais là, ils vont créer une tension, là, puis là, ils peuvent te faire durer, puis là, c'est tough. L'émotion, ça crée un manque. Vraiment. Ouais. Il y a un manque d'énergie, là. Parce que pour moi, j'en fais pas de party chez nous, mais si je faisais un party chez nous, d'ailleurs, j'ai l'intention d'en faire un jour un party chez nous. Mais j'arrête dans le public, je fais un party. M'inviter tout le monde. M'en faire un party pour 1000 personnes. Mais il va être complet, le party. Autrement dit, je vais m'assurer quand je vais faire le party que tout le monde va pouvoir participer au party. Il va avoir tout pour un party. Il manquera rien. Ça, c'est un party. Hein, ils disent qu'un party, c'est une situation de vie matérielle qui permet à l'homme de sortir temporairement de la tension de l'intelligence de son esprit pour rentrer dans l'intelligence de la matière. Ça, c'est un party. Fait que c'est le fun, les parties, quand c'est conscient. Quand c'est pas conscient, mais c'est une invention. Fait que tu réinventes. Il y a des gens qui sont des parties à tous les jours. Tu peux pas être des parties à tous les jours. Mais ça. Tu découvres ça, tu réalises ça au fur et à mesure que tu peux créer de plus en plus des mots. C'est parallèle, créer des mots pour créer des actions. Parallèle. acceptes ça qu'à un certain moment, mais tu aimes la vie. Parce que t'es dedans. Fait que tu l'aimes. Et toujours la fin de la vie. Tout le temps. Mais laissez-moi, je vous le dis, puis je vous avertis. Pour aimer la vie, puis vivre dedans, il faut payer un prix. Parce que plus t'es clean, plus t'aimes la vie. Puis plus t'es clean, c'est moins tes motivités subjectives. Moins tes sentiments subjectifs. Plus t'aimes la vie. Parce que c'est ça. Pour aimer la vie, il faut sortir de ça. C'est une loi cosmique. Les gens disent que c'est impossible d'être heureux sur Terre. C'est impossible pour l'homme qui ne peut pas créer des mots. Puis créer des actions. C'est vrai. Mais pour l'homme qui peut créer des actions ou des mots, c'est pas vrai.